20-03, début 05. Y'a pas de vaccin, petite pute, c'est mon fait. Pour moi, y'a pas de vaccin, rap nouvelle vaccin. Accent malsain, tout, trop d'accès, assassin, cordon d'air vaccin. Une vitre trop taxée, des accès, rien qu'une dans le magasin. Ainsi sont une la haine, sans magazine, pute de sauce, toi, je veux me dépasser. Pour moi y'a pas de vaccin, rap, nouvelle vaccin, accent malsain. Tout drôle d'accès, assassin, corps, dans terrain vaccin. Une vie trop taxée, des accès, rien qu'une dans le magasin. Ainsi sont une la haine, sans magazine, mec, sans magazine. Prozac, drogue, Prozac, d'exploser, j'aimerais trop ça. Sans preuve, une grosse sac, industrielle, ni vie ni connue. Donc tu en rosa, c'est l'exposé, pour que j'arrose ça. Une taille, je l'attendais depuis une peine. Enfin mes fans, j'suis une peine, ahuri, en rue, sans wham le stup, une pénurie. Égroné, rap, erroné, j'suis une frappe dans le perronné. À la déroute, une insulte dans ta péninsule. Mentalement, comme à Beyrouth, y'a que des meufs pirates, des keufs qui tirent pirates rarement. Tirac, scuff et radarment, ratrocrate. Cellule Hamad, crapule, crap, ça pue, crame. Nique la mame, crap sa Vegas. Ça porte à coup de cantine. Et j'tue pas la grappe, j'gravite rap. Le rep tue à la gratte. Dédicace à la rate, Oulias, alias, y'a à la rate. Ma vie à l'arrache, j't'ai à la rage, mec. Pour moi y'a pas de vaccin, faut que ça arrose. Nouvelle vaccin, accent malsain. J'crois pas que ça s'arrange, corps, dans terrain vaccé. Une vie trop taxée, des accès, rien qu'une. Dans le magasin, ainsi sans thune, la haine. Sans magazine, y'a le club d'Indor, Booba, en boucle j'baille. Beaucoup de potes battent le d'Indor. Putain de crayon, la mine d'or, pas de mine d'or. J'connais putain un rayon, vite putain enrayé. Déraillé du soleil, j'vois plus un rayon. Région grise, plein d'étapes. Session crise, morade, plein de dégâts. Fais la MR, y'a des projets, LR, frise la section 03, session triste, une proie. Mes 22 piges, au cou une croix, pas une corde. T'inquiète, la thune d'or, gitane, gitane, pas une corde, mec. Y'aura pas de vaccin, y'aura pas de vaccin pour moi. Pas de vaccin au mic, c'est mon rat zinc. Des mots malsains pour les tasks, mon j'ta 4-5. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ils veulent se repaître de nous. Putain de gros calme, tu n'es sûr de perdre. Quelques degrés de plus dans le magasin, on avoisine 38B, toujours pas de vaccin.